Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, garde silence, mon frère. Pourquoi te donnes-tu la peine? Tu te fais la peine parce que on a dit qu'il y a des gens qui te critiquent, qui parlent contre toi, et tu cherches vraiment à te justifier. Garde silence, l'Éternel lui-même te justifiera. Sois serein, il y a un Dieu qui est avec toi, il y a Jésus-Christ qui est ton avocat. L'Éternel combattra pour toi et garde silence. Continue à t'occuper de ce que tu fais. C'est une façon de te distraire. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Nous allons lire Romains chapitre 5, 1 à 11. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Notre texte d'aujourd'hui, dans le cadre de notre émission de prière OSB, c'est Romains 5, 1 à 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce passage. La première vérité, c'est le fait que nous sommes justifiés par la foi en Jésus et en Jésus seul. Le verset 1 dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Le moyen, la seule personne à travers laquelle nous avons la justification, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent atteindre Dieu par d'autres moyens. Il y a des gens qui invoquent encore les esprits des ancêtres. Il y a des gens qui passent par d'autres leaders spirituels, des prophètes. Le seul intermédiaire entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu dis que tu es chrétien, tu vas à l'église, tu vas à la messe. Mais comment se fait-il que tu te retrouves encore la nuit? On te dit, il y a des amis qui t'ont dit que le poste que tu occupes là, tu dois avoir encore des protections. On n'a pas d'autres protections. Parce que le moyen d'accès à la grâce divine, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. Je vais te demander de te repentir. Je vais te demander de venir à Jésus. Je vais te demander d'abandonner les fétiches, les idoles qu'on te donne. Non, on ne peut pas combiner Jésus avec autre chose. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus. On ne te demande pas d'offrir des sacrifices. On ne te demande pas d'offrir des offrandes. Non, tu ne peux pas acheter le salut. Est-ce que tu comprends cela? C'est par la foi en Jésus et en Jésus seul. Deuxième vérité, ce sont les résultats de la justification. Vous voyez, l'apôtre Paul met surtout l'accent dans ce texte sur le résultat de la justification. Premier résultat, c'est la paix avec Dieu. Verset 1 dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. » Avant, à cause du péché d'Adam, il y a un contentieux entre l'humanité et Dieu. Tout homme en naissant sur cette terre est né pécheur. Et c'est maintenant, lorsque nous croyons en Jésus, que nous sommes en paix avec Dieu, une paix relationnelle, où Dieu peut encore nous pardonner nos péchés et nous accepter comme ses enfants. Est-ce que tu comprends cela? Si toi, tu n'as pas encore vraiment donné ta vie à Christ, tu n'es pas en paix avec Dieu. Deuxième résultat de la justification. Nous avons accès à la grâce divine. Le verset 2 dit, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce? Nous avons accès à la grâce divine. Vous voyez, toute la bénédiction, le pardon de péché, la délivrance, la liberté, toutes ces choses font partie des grâces divines. Mais pour avoir accès à la grâce là, il faut croire en Jésus pour obtenir le pardon et pour avoir accès à la grâce divine. Vous voyez? Donc nous avons ce privilège là. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de passer par des intermédiaires. Dans l'ancien temps, au temps de l'Ancien Testament, pour entrer dans le lieu très saint, là où il y avait la présence divine qui était représentée par l'arche, il fallait que le souverain sacrificateur entre pour parler au nom de tout le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, quand Jésus est mort, la Bible déclare que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint étant déchiré, ça nous montre que le chemin d'accès auprès du trône de Dieu est maintenant possible. Vous voyez, nous avons accès à la grâce de Dieu. As-tu un problème? Tu as accès à la grâce de Dieu. Tu peux entrer dans la présence de Dieu pour lui parler parce qu'il est devenu ton père. Tu peux lui dire ce qui te préoccupe. Tu as accès à la grâce de Dieu. Mais sans Jésus, tu n'as pas accès. La porte est fermée. Est-ce que tu comprends? Troisième résultat de la justification. Nous avons l'espérance de la gloire. Il est dit au verset 2. Par la foi, nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Notre espérance, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ revient bientôt et quand il reviendra, nous ferons partie de ceux qui seront enlevés. Nous irons dans les airs à la rencontre. C'est là la gloire. Vous voyez, les bénédictions que nous avons sur cette terre, ce sont des acomptes. Mais nous aurons accès à cette gloire-là. La Bible nous dit que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons délivrés de ce corps mortel. Nous le verrons tel qu'il est. Et lorsque tu n'as pas cru en Jésus, tu ne feras pas partie de ces rendez-vous-là. Est-ce que tu comprends? Quatrième élément, comme résultat de la justification, nous avons la capacité de triompher dans les épreuves. Vous voyez, les épreuves font partie aussi de notre héritage en tant que chrétien. Je veux parler à une sœur. Écoute-moi bien. Tu dis, je suis découragé. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne connais que des oppressions, des attaques. Et il y a un monsieur avec qui tu sortais là, hein, qui commence encore à t'appeler. Il ne faut pas aller à ces rendez-vous. Il t'a appelé dans un restaurant pour aller manger. C'est une tentation, il ne faut pas aller. Le Seigneur te réserve de grandes bénédictions. C'est une épreuve. C'est vrai, c'est difficile pour le moment pour payer ta maison. Mais j'aimerais te dire, le Dieu qui t'a appelé, tiens bon, il va pouvoir à tes besoins. La Bible dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Je sais que tu as déjà fait un enfant et tu te poses la question, comment nourrir mon enfant? Dieu pourvoira à tes besoins, ne retourne plus dans le monde. Tu vas triompher dans l'épreuve. Il est dit ici, au verset 3, « Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Vous voyez, il y a toute une chaîne. Quand il y a une épreuve là, il y a des moments difficiles, tu dois te glorifier, c'est-à-dire tu dois louer le Seigneur, même pour la situation que tu traverses. Et quand tu vas persévérer, on dit l'affliction va produire la persévérance. C'est-à-dire que tu dois dire, Seigneur, je ne vais pas reculer à cause de toi. Tu vas persévérer dans la prière. Tu vas persévérer en attendant la promesse divine. Et la persévérance va produire quoi? La victoire maintenant, tu vois. C'est un processus, il ne faut pas baisser les mains, il faut persévérer et c'est en persévérant que tu auras la victoire dans l'épreuve. Avant la gloire, il y a la croix. Jésus lui-même est passé par la croix avant d'entrer dans la gloire. C'est la même chose pour les chrétiens. Cinquième résultat de la justification, nous sommes sauvés de la colère divine. Ça veut dire que lorsque tu acceptes Jésus, toi tu ne peux plus aller en enfer. C'est ça. On est sauvé de sa colère. Ceux qui sont objets de la colère de Dieu, ce sont ceux-là qui n'ont pas cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que nous nous sommes justifiés. La justification, c'est le contraire de la colère divine. Vous voyez? Dieu te déclare juste. Ce n'est pas à cause de tes actes. Mais il te déclare juste à cause de la foi en Jésus. Le verset 9 dit, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui dès la colère. » Sixième résultat de la justification, nous sommes réconciliés avec Dieu. Ça veut dire que nous étions des ennemis de Dieu. Mais Jésus-Christ nous réconcilie. Verset 11 dit, et verset 10 dit, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Et le verset 11 ajoute, « Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Si Dieu t'a réconcilié avec lui par le sang de Jésus, c'est que tu dois aussi apprendre à te réconcilier avec ton ennemi, avec celui qui t'a fait du mal. Comme Joseph aussi s'est réconcilié avec ses frères. Vous voyez, la réconciliation, elle est verticale, c'est-à-dire entre nous et Dieu, mais elle est aussi horizontale, entre nous et notre prochain. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. Victoire pour l'éternité. j'adore le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire. Gloire à Dieu. Élevons nos voix. Bénissons l'Éternel, lui qui nous a réconciliés, lui qui nous a justifiés en Jésus-Christ. Sois béni, Éternel, notre Dieu, toi qui nous as justifiés par la foi en Jésus. Nous te bénissons, Jésus, toi par qui nous avons accès à la grâce de Dieu. Merci, ô notre Seigneur, notre Dieu, pour l'espérance de la gloire. Nous te bénissons, notre Seigneur, notre Dieu, toi qui nous as réconciliés avec le Père. Et avec toi, nous te disons merci en ce moment, ô notre Dieu. Toi, le Dieu qui nous fortifie malgré les afflictions. Tu nous soutiens et tu nous gardes, tu nous protèges et tu nous conduis. Nous te bénissons pour cela. Merci, ô Seigneur. Toi, le Dieu qui nous a pardonné nos péchés et qui nous a justifiés par pure grâce. Nous t'élevons en ce moment et nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à l'émission des prières OSB, Opération Sous la Brèche. Notre passage du jour, c'est Romains 5, 1 à 11. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir dans ce passage plusieurs résultats de la justification. La justification nous donne accès à la grâce divine parce que nous avons la paix avec Dieu. Ce matin, tu vas entrer dans la présence divine. À cause de Jésus-Christ, il n'y a plus d'intermédiaire. Tu vas dire ce qui te préoccupe. Tu vas dire, Seigneur, merci de ce que tu me donnes accès auprès de toi, auprès de ton trône, où je peux te présenter. Quel est ton problème? Tu as un problème de santé. Tu as un problème d'argent. Tu as un problème de factures impayées. Tu as un problème au niveau familial où il y a des problèmes. Oh, tu vas prier. Parce que tu as accès auprès de la grâce divine où tu peux présenter tes problèmes à Dieu. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tous tes hauts faits. Merci pour ce privilège que tu nous donnes ce matin, parce que tu nous as permis de nous coucher hier, de nous endormir et de nous réveiller ce matin. Nous te louons et nous te glorifions. Et notre privilège que tu nous as donné au Père éternel, c'est le privilège d'être enfant de Dieu. Nous avons été justifiés et merci pour cette justification que nous obtenons par la grâce au moyen du sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Merci pour ce privilège qui nous donne accès à ton trône de gloire. Et dans ta présence, Père éternel, nous prions et nous demandons ta grâce et ta faveur. Nous demandons, Père éternel, que tu nous délivres de nos ennemis, de nos adversaires qui sont plus forts que nous, qui nous harcèlent chaque jour. Donne-nous les moyens, ô Père éternel, pour marcher sur les serpents et les scorpions. Nous prions, ô Père éternel, que tu nous aides, tu nous apportes du secours dans nos problèmes relationnels, dans nos problèmes de foyer, sur le plan professionnel. Donne-nous du secours, ô Père éternel. Nous prions également et nous demandons que tu nous aides dans notre ministère afin que nous puissions toujours être efficaces dans tout ce que nous entreprenons. Élargis l'espace de notre tente, ô Père éternel. Fortifie chacun d'entre nous. Donne-nous une bonne santé et que nous soyons de véritables témoins pour l'avancement de ton œuvre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, ô Père éternel. Et merci pour ce privilège de justification qui nous donne le droit de combattre nos ennemis, de résister au diable, de résister au trait enflammé de l'ennemi, à la gloire de ton saint nom. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir également que la justification nous donne de persévérer dans l'épreuve. Lorsque tu connais des moments d'épreuve, tu dois espérer et l'espérance doit produire maintenant la persévérance et cette persévérance doit produire la victoire. Tu vas prier. Peut-être que tu te sens découragé ces derniers temps par des situations qui arrivent dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Tu vas prier pour que Dieu te donne de triompher, pour que tu ne retournes pas en arrière, que Dieu te donne d'espérer toujours en la promesse divine et que tu puisses persévérer, tu ne puisses pas reculer et que tu puisses avoir la victoire au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sois béni ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Créateur, notre Goël, notre puissant guerrier, notre protecteur, notre abri, berger qui nous conduit vers de verts pâturages. Gloire te soit rendue à jamais, parce que tu nous amènes à persévérer dans l'épreuve, à persévérer dans la prière, à persévérer dans la méditation de ta parole, à persévérer dans les difficultés, à ne jamais baisser les bras. Puisque tu as dit, ce sont les violents qui vont entrer dans le royaume de Dieu, les persévérants, les endurants, ceux-là qui ne sont pas prêts à reculer, mais à résister dans l'épreuve, à résister dans les difficultés. Nous croyons à ta parole parce que sans toi, nous ne pouvons pas résister parce que nous comptons sur ta parole, nous comptons sur ton esprit, nous comptons sur ta présence qui nous conduit. Sinon, c'est difficile, Seigneur, c'est écœurant, Seigneur, devant l'injustice, devant la solitude, devant le célibat, devant la misère, devant la pauvreté, devant, ô Dieu, l'infertilité dans nos vies. Et l'injustice, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de force. Nous avons besoin de continuer. Donne-nous la force. Donne-nous ce que notre cœur désire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir aussi que Dieu nous réconcilie avec lui, en Jésus-Christ. Et cette réconciliation devrait déboucher à la réconciliation avec les autres. Tu vas prier le Seigneur. Peut-être que tu as des gens avec qui tu ne te parles pas, des gens qui te font du mal. Oui, demande à Dieu la grâce de pouvoir t'aider à pardonner, à te réconcilier. Il y a quelqu'un qui te veut du mal. Prie pour la réconciliation avec ton mari. Prie pour la réconciliation avec ta femme. Je vais dire à une vieille, tes enfants, ça fait longtemps que vous ne vous parlez pas. Parce que les enfants, ils t'ont soupçonné que tu es sorcière. Oui, j'aimerais te dire, le Seigneur a permis cette épreuve. Prie pour la réconciliation. Cette année, tes enfants vont venir encore te rendre visite. Au nom de Jésus-Christ, Dieu a compassion de toi. Prions le Seigneur. Nous élevons ton nom ce matin parce que tu es Dieu, tu es saint, tu es la vérité et tu veux que nous marchions dans la justice. Tu veux que nous marchions réellement avec ta parole, selon tes commandements. Et ce matin, toi qui es le Dieu qui nous a réconciliés avec Jésus-Christ et qui nous a accordé ton esprit, donne-nous aussi l'esprit de la réconciliation afin que nous puissions nous réconcilier envers nous-mêmes et envers toi. Surtout ce matin, nous prions que cette femme puisse se réconcilier avec son homme, son mari. Je prie que tu inclines le cœur de cet homme pour accepter la réconciliation, d'entrer dans la réconciliation avec son épouse. Père, fais quelque chose dans son cœur, brise l'orgueil, enlève le moi, enlève l'esprit hautain et que réellement cette réconciliation soit sincère et que la paix revienne, le premier amour dans ce foyer revienne. Merci Saint-Esprit aussi pour la réconciliation que tu mets dans le cœur des enfants pour leur maman. Merci Père pour la réconciliation que tu mets entre collègues. Merci pour la réconciliation que tu mets entre, oui, Seigneur notre Dieu, tes enfants. Merci de réconcilier ton peuple. Merci de nous libérer de tout esprit de haine, de mépris, de dédain. Merci de nous purifier ce matin. Merci de nous aider à aller à notre prochain niveau. Merci de nous élargir spirituellement. Merci Jésus-Christ pour ta grâce qui est manifestée. Merci parce que tu nous réponds. Merci pour le témoignage que tu donnes à quelqu'un. Merci pour cette visitation divine. Merci pour cette grâce particulière dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Je rappelle notre rendez-vous du dimanche 14 février. Bonheur conjugal pour les célibataires. Deux services. Le premier service à 16h, le deuxième à 18h. Le thème, quitter la cendre pour porter les diadèmes. Nous allons prier de manière spéciale pour tous ceux qui sont humiliés parce qu'ils ne se marient pas. Le Seigneur va faire quelque chose. Cette année, tu vas porter les diadèmes. L'entrée est libre. Au revoir et à demain. À nous la puissance, par son bras puissant.